monsieur qui est là. C'est le monsieur qui est là. Ah, bonjour, ah, mais oui. Monsieur. J'essayais de vous voir. Mais non. Ça va? Ça va, et vous? Vous m'avez pas vu? Johanna, mais non, on est rentré. Johanna, mon attaché de presse. Ok. On est rentré direct maintenant. Ah, vous m'avez pas vu avec non. Le micro et tout le temps? Non, j'ai pas vu. Ah, bah, enchanté, monsieur Vincent. Mais moi de même. Le troubadour de la chanson. Voilà. Ah, mais c'est bien. Prenez place. D'accord. Alors, ça file, ça va? Impeccable, et vous? Impeccable, ça se passe bien le séjour à Paris? Oui, mais ça roule. Ouais. Ah oui, des rencontres après rencontres. Ouais. 28 rencontres en 8 jours. Donc oui, c'est un feu roulant. Super, super. Mais c'est merveilleux, on rencontre des gens extraordinaires. Et vous faites ça tous les ans alors? Ah, c'est oui. Toi, ah ben oui, oui, effectivement. Ouais. Oh oui, comment ça vous savez le... Ben oui, je vous ai envoyé un courrier. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, puis j'ai regardé le programme avec... Monsieur Dreyfus. Oui. Oui, oui, oui, oui, la rencontre Monsieur Dreyfus, j'en ai eu plusieurs avec des acteurs, des actrices, des écrivains, des dessinateurs, des BDistes. C'est vrai, ici on ne dit pas BDistes. Dessinateurs, scénaristes. C'est bien. J'aime bien ces mots-là. BDistes, mais eux n'aiment pas ça. Ah bon? Ils n'aiment pas ça? Non. Qui vous avez vu? Monsieur Charles Berberian, ouais. Qui travaille pour Fluide Glacial. Ouais, le nom me dit quelque chose. Fluide Glacial, c'est la provocation. C'est bon, hein? Oui, moi aussi j'adore Fluide Glacial. Et donc j'ai eu la chance de... Puis il a trouvé mon gabinet exceptionnellement dans le vent, donc j'ai été flatté, surtout d'un auteur aussi reconnu. Et vous faites des tournées... Mais moi je parcours le monde. Voilà. Le monde. Ouais, depuis quelques années. Quelques années. Et je suis allé au Québec, mais pas tant que ça en fait. Ok. Pas tant que ça, j'ai chanté à... Je sais pas si vous avez connu Pierre Jobin. Ben oui. Donc Pierre, quand il avait le petit Champlain. Oui. Il a eu aussi les oiseaux de passage, une petite salle incroyable. Oui, alors... De 105, 110 places. Non, moi j'ai fait deux fois le petit Champlain. Oui, belle salle, hein? À Québec, oui, c'était super. 250 places. Super. Ouais. Et j'ai fait à Montréal... Merde, comment s'appelait le lieu? À Montréal... J'ai oublié, je sais plus. Il y a longtemps, hein? Il y a... Une dizaine d'années que je suis pas retourné. Mais le petit Champlain existe toujours. Je connais très bien le programmateur, donc lorsque je lui dirai que je vous ai rencontré, on verra bien ce qui. Ah oui, ça existe toujours. Ben oui, j'ai ben revu oui. Pierre. Pierre est passé me voir, je sais pas, il y a 3-4 mois. Okay. Ah oui, ah ben, il n'y a pas si longtemps. Non, il sait où je suis, il sait où le bateau est ancré. Donc, okay. Kong. Il a eu de la lumière. C'est ça, Kong, oui. Mais donc lui là, qu'est-ce qu'il met? Il fait plus grand chose. Non, il s'est retiré. Il s'est retiré. Oui. Mais parce qu'après le petit Champlain, il a ouvert une belle petite salle à Limoilou, ça c'est dans la ville même de Québec, endroit assez pauvre. Et Les oiseaux de passage, c'est un titre extraordinaire. Hein? Et il a reçu des gens mémorables, des noms. Monsieur Beaucarne a fait quelques spectacles. Je ne sais pas si vous connaissez. Ben oui, oui. Extraordinaire. Un homme de mots, un peu comme vous, hein. Vous êtes, puis un troubadour aussi. C'est bien, Julos, ouais, c'est ah oui, ben, vous êtes un troubadour au même titre, là, reconnu dans toute la francophonie et même en dehors, oui. Mais vous faites combien de tournées par année? En général, je fais mes tournées américaines, quel gros truc. Hein. Je fais 2 mois aux États-Unis chaque année. Combien de temps? Deux mois, okay. chaque année, ça va. Là, on essaie de... Avez-vous cette place? Voulez-vous que... Oui, non, c'est bien, c'est okay. bien. Mais outre cela, il y a une tournée en principe au printemps. Ok. Là, cette année, on était au Portugal et... Pas au Portugal, on était en Espagne et au Maroc. Ok. On devait aller au Portugal, ça c'est pas fait. Mais l'année dernière, c'était l'Asie, au printemps. Et en général, je fais ça, une tournée au printemps. Là, l'été, en général, je reste à Paris, mais cette année, on s'en va dans quelques jours. Dans 15 jours en Afrique. En Afrique? Ouais. Pour une grande tournée? Non, quelque chose d'assez court. On va en Guinée équatoriale. Vous voyez aussi la Guinée équatoriale? Ben oui, très bien. Parce qu'il y a trois Guinées. Oui, exactement. Et moi qui connais bien l'Afrique, c'est un des derniers pays que je... Enfin, il y en a deux ou trois autres où je ne suis jamais allé. OK. Donc là, on va aller à Malabo et Bata. Et puis... Et vous chantez toujours en français? Oui, j'utilise souvent la langue de liaison quand, là par exemple, en dehors des langues vernaculaires, il parle espagnol en Guinée, équatoriale. Bon, je parle espagnol sur scène entre les chansons, probablement. À moins qu'il soit, parce qu'on m'a dit qu'ils avaient un amour pour la francophonie. Allez-y, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler à travers, je fais un montage. Donc je vais découvrir s'ils comprennent suffisamment. Mais j'aime bien parler la langue du pays, d'abord parce que ça m'amuse de baragouiner une autre langue, une nouvelle langue, j'aime ça. Bah, surtout que ça vous rapproche. Hein. Et au niveau du contact, ça me semble quand même essentiel. Parce que bon, les chansons, il y a du texte. Et je pense que beaucoup c'est bien d'avoir un contact dans c'est la langue, vrai. Dans une langue qui puisse comprendre. Alors vous traduisez Je pense qu'une chanson, il faut la prendre comme elle vient. Il faut la prendre en pleine poire. Oh, oui. Et il ne faut pas s'arrêter sur le détail, sur le mot. C'est la sensation. Moi, ça, c'est une chose qui me surprend, c'est que dans plein de pays où je suis allé non francophone, d'avoir des gens à la fin du concert qui viennent me parler, et je me rends compte qu'ils ont tout saisi en fait. Sans comprendre la langue. Parce que entre et c'est un peu paradoxal, mais moi je l'explique comme ça, c'est que plus il y a de texte dans une chanson, mieux ça passe, parce que le chanteur, si la chanson a un peu de sens, le chanteur s'investit au niveau émotionnel, et au niveau émotionnel, ça passe, les gens comprennent ce langage-là. Vous écrivez quelquefois vos textes, même assez régulièrement. Oui, mais vous êtes chanteur. Écrire des textes par des monuments. Je suis assez paresseux pour Moustaki. pour laisser les autres écrire quand ils écrivent des mots que j'ai envie de dire. Oui. Mais parfois. Mais lorsqu'on frappe à votre porte, Moustaki. Non, mais Georges, c'est un ami, donc c'est un ami de longue date. Et on a fait mille choses ensemble. On a joué aux échecs, on a joué au ping-pong, on a fait des tas de choses quotidiennement. Et puis on a fait aussi de la musique ensemble. Mais on avait, je crois, l'un et l'autre, très envie d'une collaboration qui est gravée. Oui, oui, oui. Et ça ne s'était jamais fait. Sur cet album-là, j'ai écrit en fait après une période un petit peu longue de jachère où j'avais pas écrit grand-chose. Et là, j'ai écrit tout d'un coup un certain nombre de textes et de musique. Et Georges, encore une fois, qui est un ami, mais à qui hein, les copains on leur montre ce qu'on, ben ce qu'on oui, vient de faire. Ça enchaîne. Donc, c'est le premier public. Et avec des critiques intéressantes. Mm-hmm. Et Georges était séduit par ce que j'avais écrit et il avait envie de mettre en musique un de mes textes. Et puis en fait, je lui damais le pion à chaque fois parce que je me mettais au piano quand il avait le dos tourné. Okay. Une musique venait. Ah, c'est bien. Piano à la guitare. Oh, ouais. Et la musique, ben, je la trouvais bonne. Je la faisais entendre. Il disait, mais c'est super. Donc. On garde, on place. Et puis un jour, donc, je lui ai dit, écoute, il y a un texte qui lui plaisait, un de plus. Mm-hmm. Et je lui ai dit, écoute, celui-là, je te le garde. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Il a gardé le texte sur le manteau. et il m'a pondu cette très, très, très jolie musique. Sublime. Qui est étrange mélancolie, ouais. Que j'ai entendu. Ouais, c'est joli, ça. Ouais, ouais. Et qui est diffusé sur France Inter. Oui, et puis qui va, j'espère, on est en train de... Radio-Canada aussi. Il y a Johanna, là, qui est là, qui travaille à ma conscience. Est-ce que tu as donné... Il faut tout de suite donner le disque, de façon à ce qu'on n'oublie pas. Parce qu'on parle, on... Oui. Et puis après, on s'en va avec ce qu'on a amené. OK, merci. nous diffuserons avec beaucoup de joie votre album. Ah ben, c'est sympa. Mais vous, lorsque vous écrivez, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou c'est les idées qui amènent les mots? Une sensation. Il n'y a pas trop de règles non plus, en fait. Parfois, les... Je dirais que c'est quand même souvent le texte qui précède, mais parfois ça vient en même temps. Il y a une idée qui vient, un texte, et qui vient pratiquement simultanément avec une musique. J'ai fait un travail inverse, puisque j'ai fait il y a quelques années un disque. J'avais rencontré James Taylor, un chanteur américain. Et on est tombé on a apprécié réciproquement ce qu'on faisait. Mm-hmm. Et on a décidé de collaborer dans le sens où il me permettait d'écrire sur ses musiques des textes. Pardon, ça c'est mes oiseaux. Sont mes oiseaux. Aucun problème, mais je vais faire un On va l'arrêter. On va l'arrêter. Non, mais répondez, il n'y a pas de problème. Vraiment, pas de problème. Oui, je coupe au montage. Allô? Oui. Mais excusez-moi, je suis en entretien radio là, parce que. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler vers 2h30 ou 3h? Super, super, à tout à l'heure. Merci, merci, au revoir, à tout à l'heure. Voilà, et puis je vais enlever mes grillons. Voilà. Oui, c'est merveilleux. On se croirait la nuit. Donc, en fait, c'est comme, oui, donc c'est souvent le texte qui précède, mais là, dans le cas avec James Taylor, donc on a décidé, il me laissait la liberté d'aller où je voulais avec mes textes sur des musiques à lui. Des musiques existantes, mais il ne m'imposait pas de rester dans l'idée originale de la chanson. Et donc ça a été un exercice, parce que c'est vrai que c'est pas très courant chez moi d'écrire des textes sur des musiques. Okay. Je l'ai fait sur tout un album. Cet album s'appelait Faut-il encore 2000 ans. Oui. Vous l'avez pas, vous ne le connaissez pas, oui, je le connais. Oui, ouais. Donc, faites-en pas, j'ai une discothèque assez imposante. Autant en vinyle que quand c'était. Je suis un nostalgique du vinyle. Hein. Donc, oui, à juste titre. Oui. Mais j'ai une platine qui numérise, donc il n'y a pas de problème. On enlève tout le côté impureté. Ah oui, c'est. Voilà. Donc, attends, je vais payer pour toi. Vous prenez quelque chose? Ah non, c'est bon, merci. C'est bon. Moi, je veux bien un petit café aussi. Ouais, noir, c'est bien. Oui, donc, voilà, j'ai fait cette opération-là, et c'était intéressant, quoi, d'écrire, de changer un peu le processus, et ça s'est très bien passé. Je crois qu'on a réalisé un bon album, avec ce « Faut-il encore 2000 ans ?». Mais très souvent, donc c'est souvent la plupart du temps, c'est le texte qui précède. Et là, dans l'album, le dernier que je viens de faire, je crois que j'ai tout écrit. Non, sauf vous avez probablement remarqué. Non, avec Georges, Georges, j'ai écrit le texte avant. Oui, parce que j'ai donné le texte. Okay. En revanche, j'ai écrit aussi une chanson avec Pia, qui est Pia Moustaki, qui est la fille de Georges Moustaki. Et l'anecdote. Pia est arrivée un jour sur le bateau, puisque j'habite sur une péniche dans le port de la Bastille à Paris. Et donc Pia est arrivée, et elle me parle d'un ami commun qui avait un très beau trois-mâts à Paimpol, qui s'appelle Fleur des Ondes. Et elle me dit, j'ai commencé à écrire un texte sur le bateau de Bertrand, c'est le nom du livre. Et donc, elle me l'a montré, elle souhaitait que je le mette en musique. J'ai été un petit peu critique de certaines choses, donc j'ai retouché, on a co-écrit, on a peaufiné le texte ensemble. Et puis là, j'ai mis en musique... mais ça revient au même, en fait. Je pensais que c'était une exception. Non. Mais en fait, donc voilà, dans ce disque, tous les textes ont toujours été... appuyés. Voilà. Donc, c'est un travail avec une équipe, avec des amis, avec les copains. Sur le plan de l'écriture, j'ai quand même écrit la plupart des chansons. Il se trouve que je les ai écrites paroles et musique. En dehors de cette chanson avec Georges, d'une chanson en co-écriture avec Pia, et puis de deux autres avec Jean-Paul Seuf, qui était mon vieux compère avec qui j'ai écrit énormément de chansons dans le passé. Mais le grand travail d'équipe et de copains, ça a été surtout avec mon équipe de musiciens. Qui vous suit depuis. Qui sont exactement devenus des amis parce qu'on travaille ensemble depuis des lustres, hein, depuis des années et des années, la plupart, oui. Oui. Combien de temps, approximativement? Je sais pas, Roland Romanelli, le premier disque qu'il a fait avec moi, ça remonte à plus de 30 ans. Tony Ravesson, le batteur, quand il avait 11 ans, il était déjà un petit batteur génial et que j'étais en tournée à l'île de la Réunion, à l'île de la Réunion, à Madagascar et à l'île Maurice, il était avec son père, Jeannot Rabesson, qui est un pianiste avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui ne participe pas à cet album, mais qui était un excellent jazzman. Il était donc avec son père en trio et avec un bassiste. Et puis, ils m'ont accompagné pendant mon séjour à la Réunion. Et Tony était un petit batteur déjà tout à fait extraordinaire. Nougaro l'avait remarqué aussi quelques mois après moi. Et quand il est arrivé à Paris, il a fait la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'est devenu un des grands batteurs de jazz mondialement reconnu. Ouais. Et alors donc Tony, voilà, c'est une aventure qui remonte à très loin. Pierre Chérès, ça remonte à très loin aussi. Jean-Philippe Audin, Il a commencé avec son quatuor, ils m'ont accompagné au moment où il a créé le quatuor avec William Scheller, parce que c'était la même équipe. Oui. Donc ça remonte aussi à quelques décennies. Qui d'autre? Jérôme, pareil. Le saxophoniste américain Billy Drews, on a travaillé ensemble depuis... on a dû commencer notre collaboration il y a une vingtaine d'années ou un peu plus. Donc voilà, c'est des routiers, des gens que vous connaissez. Voilà. Sont tous des stars. Sylvain Marc, Sylvain Marc, bon, qui est le bassiste de Chris Rea, c'est son... Comment vous faites pour vous réunir tout le monde On s'organise un petit peu. Un agenda assez... Et alors, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que dans les disques précédents, sont grands musiciens, ils savent arriver au studio et avec quelques indications et se mettre dans le bain très rapidement. C'est un peu ce qu'on faisait dans le passé. Là, il y a eu un investissement différent. On s'est rencontrés, je l'ai un peu voulu comme ça. On s'est rencontrés auparavant, je leur ai fait écouter les chansons. Ils connaissaient les chansons parfaitement. Déjà, les chansons, sans penser à ce qu'on allait faire au niveau orchestration, arrangement ou autre. Ils ont été très sensibilisés par la chanson, ils ont aimé les chansons et ils m'ont montré cette envie de faire un boulot de groupe. Et ce qu'on a fait, on s'est retrouvés sur le bateau quelques jours et quelques nuits, boire, à manger et à jouer. C'est comme un microcosme. Et puis voilà, on se couchait à 4h du matin et à 8h on se levait pour partir au studio. Et avec peu d'heures de sommeil, mais avec l'énergie qui a produit le disque qu'on a fait. Est-ce que vous enregistrez avec les musiciens en même temps ou si vous faites... Là, oui, ça a été ça. Un peu comme Brel le faisait. Pas avec tout le monde, mais Brel a fait ça pour son dernier album. Oui. Et probablement pour d'autres et également. Quelques titres, ouais. Mais là, avec Tony, avec toute la rythmique, avec Tony, avec Sylvain, avec Pierre Chérez, on a joué ensemble. Le clavier aussi. Le saxophoniste américain, d'ailleurs, je dois avouer qu'il n'est pas venu à Paris, on a fait ça à distance. Lui, il a joué ensuite, avec le téléphone et avec les indications. Et il a fait, voilà, on a fait un travail à distance avec lui. C'est le seul, sinon les autres, les cordes. Les cordes, on les a rajoutées. Techniquement, on n'avait pas... la configuration du studio ne se prêtait pas à ce qu'on soit tous ensemble avec les cordes. Okay. Donc les cordes ont été ajoutées après aussi. Pour créer l'enveloppe que vous vouliez donner. Moi je suis un amoureux des quatuors à cordes, parce que je suis violoniste au départ. Pour Racine, J'ai toujours mis des quatuors la plupart du temps dans mes disques. Je n'en mets pas partout. Il y a trois chansons, il y a les cordes. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Je vous ai vu sur vidéo et je me demandais si vous étiez près des instruments. C'est-à-dire, est-ce que vous jouez du piano sur scène? Est-ce que vous jouez de la guitare ou si vous vous concentrez? La guitare, oui. La guitare, c'est mon instrument de bataille, bien sûr. Et le piano, un peu moins. Alors le piano, je fais une chanson sur scène au piano, ou deux, voire deux. Piano-voix? Mais c'est tout, piano-voix. C'est plus introspectif. Alors moi, je suis assujetti à tourner en one-man show dans le monde. Pour des raisons originellement financières. C'est clair que si on se déplace avec une équipe de 7 ou 8 musiciens, ça coûte plus cher. Et qu'aujourd'hui, les économies et les budgets sont difficiles à gérer, plus des tas d'autres problèmes, vous le savez, tout le monde. Au Canada, je pense que c'est un peu le même problème. Aux États-Unis, il y a des problèmes de visa, d'union, c'est compliqué d'amener avec. Alors j'ai pris un jour la décision de tourner seul. J'avais commencé à tourner avec deux musiciens, avec un bassiste, un autre guitariste, il y a des années, et j'ai arrêté pour ces raisons-là. Vous fonctionnez avec une trame, un peu comme Léo Ferré. Alors, est-ce que vous faites allusion à la période où il a chanté avec une bande derrière ? Oui. Non, j'aime pas beaucoup ce système-là. Mais d'une façon, je crois, assez habile, quelques séquences, mais qui viennent de l'orchestre, qui viennent avec parcimonie et seulement à bon escient, ponctuer ce que je fais à la guitare, que je lâche pratiquement jamais. Alors vous êtes guitare-voix ? Je suis guitare-voix, une guitare électroacoustique, et un exemple, quand j'utilise ces séquences, je vais démarrer une intro avec la gratte, et mon ingénieur du son sur scène me lance rythmiquement comme un musicien qui vient. Et ça ne crée jamais ce vide, parce que Léo, moi j'admirais Léo, j'adorais Léo Ferré. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu au Palais des Congrès avec cette formule-là, ouais, j'ai été gêné d'entendre ce grand orchestre virtuel. Puisque, qui arrivait, mais qu'on ne voyait pas. Ouais. Mais qui pouvait coller avec. Il collait oui, avec non, c'était fesses, bien. Mais... Puis il s'en enlevait en retournant au piano. Au piano, ça c'est ça. Oui, heureusement qu'il ça. Voilà, piano, ça c'est bien, oui. Mais la bande est un problème. Quoi. Ok, mais donc, pour vous, c'est pas ça que vous avez réglé cette anomalie. Moi, je pense que je le fais d'une façon. Je suis très à l'aise dans la formule que j'ai. Et on j'ai sent peaufinée. Vraiment pas, là. Non, je pense okay. que les gens. Qu'il y a une. Alors, encore une fois, c'est un problème de budget parce que j'ai quelques projets dans le futur, notamment là en France, qui vont me permettre de travailler avec les musiciens, ce qui est quand même un grand plaisir aussi. Mm-hmm. Quoi. Donc, mais. Mais vous pouvez en parler de ces projets-là? Non, pas encore. Ah, on a un projet, moi je suis originaire de la Mayenne et je suis près d'une ville qui sonne bien au Québec, c'est oui. Laval. Ah oui, Laval, mais oui, en banlieue de Montréal. Et donc Laval dans la Mayenne, qui est le chef-lieu de la Mayenne, je suis dans un petit village qui est à côté de Laval. Et le projet qu'on a, c'est de faire tous les jeudis et vendredis d'Éric Vincent sur 3 mois. Oh. Au départ, c'était tous les vendredis. Là, l'idée, c'est peut-être de faire tous les jeudis. Donc, de faire des petites villes de province, de terminer par les plus grandes villes comme Château-Gontier, Laval et Mayenne. Et ça précéderait un autre projet que j'ai à Paris, qui est de faire l'Européen. Je suis allé hier à l'Européen pour un humoriste. Ah oui, c'est une très belle salle. C'est une belle salle. Combien de places? 250. J'ai analysé rapidement. On en parlait avec Georges Moustaki récemment. On n'était pas trop d'accord. On a vérifié. Il semblerait qu'il y a 350. 300? 350. Oui, c'est... Oui. D'après les vérifications qu'on a faites. J'ai regardé rapidement hier. J'y étais. Donc, à peu près 250. Ça serait 350. 350, oui. Oh, oui. Alors, c'est ce que j'aime bien dans cette salle, c'est que... Effectivement, elle n'est pas bien grande, on pourrait penser 250, mais moi je crois volontiers à cette issue de notre discussion et de trouver les 350, parce que les sièges sont très rapprochés, pas petits, il y a, voilà, sur les côtés, et en avant. Et ce que j'aime bien aussi dans cette salle, c'est la scène qui est pas trop haute, non. Qui est très, très voilà. À proximité. Oui. Le dernier que j'ai vu, c'est Charlebois, je crois. Allez, okay. Robert Charlebois, ok, il y a combien de temps? Il y a déjà du temps. Non, je suis allé à un autre spectacle depuis. Pardon. Okay. Mais non, parce que je pense ça parce que j'étais avec Georges Moustaki et il était. Georges Moustaki était au spectacle de Robert sur la route. Ouais. Mais Georges est hélas pas très en forme depuis quelques temps au niveau de sa santé. Donc c'est ça qui me fait penser que ça fait déjà 3 ans qu'on avait été. Monsieur Moustaki faisait des tournées à chaque année au mois de juin. Lors de mon anniversaire à Québec, il était toujours en spectacle et j'allais le voir. Mais là, ça doit faire 2 ans qu'il. La dernière fois qu'il y est allé, je sais qu'il a été un peu, il n'était pas en très grande forme au niveau de sa santé déjà, et il a eu du mal à faire ce... Ok. Ouais. Alors il a un petit peu des problèmes respiratoires, ouais. Et donc il a du mal, il chante plus en fait, il ne fait plus de scène. Ok. Bon. Peut-être des albums éventuellement, donc on peut... J'espère. Ou écrire pour d'autres, comme avec vous, hein, ça s'est passé. Donc, et c'est ça qui est merveilleux, on peut revivre à travers d'autres chanteurs, d'autres... Est-ce que vous vous considérez, parce que vous connaissez un peu ce qu'on veut dire par chansonnier? Oui, enfin, je connais ce... Alors... Le terme chansonnier au Québec, vous savez ce que ça veut dire? Exactement. Bon. Alors, moi, je connais le terme chansonnier au Québec, oui. Mais... Mais c'est mal vu, hein, à Paris. Ah non, c'est pas mal vu. Ah, enfin, pour vous, non. Pour moi, c'est pas mal vu. Pour moi, je trouvais ça tout à fait charmant, cette idée de le chanteur, c'est un chansonnier. Oui. Mais c'est vrai que nous, la notion de chansonnier, quand j'étais enfant, à la radio, on écoutait Edmond Meunier, Robert Roca, Maurice Orgue. Ces chansonniers étaient des chroniqueurs politiques qui, à travers des textes chantés ou parlés, faisait des revues de presse. L'actualité. Et c'était un des lieux des chansonniers, ça a été le grenier de Montmartre. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans l'histoire. Oui. Voilà. Donc moi j'ai été bercé avec cette idée de chansonnier. Et c'est vrai que j'avais été surpris un jour, en débarquant au Québec, de voir que le mot était très légèrement modifié. Mais je le trouve très heureux, moi. Nous, un chansonnier, c'est un auteur, compositeur, interprète, un homme à texte, qui vient sur scène avec sa guitare, comme vous faites là, depuis quelques temps, jouer, chanter ses chansons. Donc, c'est ça a une petite consonance intellectuelle. Et moi, je trouve qu'on manque de mots, parce que chanteur, hein, entre le chanteur, c'est très vaste, entre le chanteur d'opéra et le chanteur, voilà, donc, Donc j'aime bien ce terme de chansonnier. Oui. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, oui. Je le trouve très, très bien. C'est... Ah, puis mais une fois de plus, les Québécois nous resservent. Non, mais c'est moi. Moi, je prétends que le français, s'il y avait, ce sont les Québécois et les Mauriciens qui gardent le... Le patrimoine. Exactement. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah oui. Quand vous dites on va magasiner, oui, vous appelez un chien chaud, je trouve ça formidable. Oui. Moi, je suis agacé par cette utilisation outrancière des anglicismes, des mots anglais qui ne veulent rien dire, souvent, par des gens qui ne savent même pas l'exact. Juste par la consonance. Mais les médias français en jouent trop. Moi, ça m'énerve, ça m'agace beaucoup. Ça. Oui. Mais c'est un combat d'arrière-garde et nous, on ne va pas le gagner. Là, non, mais vous, c'est parce que vous êtes entre vous. Nous sommes dans un petit noyau, un noyau francophone imbibé d'anglo. D'anglais. Donc, oui, non, on doit se débrouiller. Exactement, avec ça. On s'en tire pas mal. Le jour où on sera unique, donc un pays, un Québec, comme on dit souvent, là, on risque de se prendre en main davantage et de promouvoir notre langue avec beaucoup plus de fierté. Mais ça s'en vient. On travaille fort. Ça s'en vient. Moi, je dis un truc. J'espère que ça ne va pas agacer les Québécois. Je dis que le Canada se différencie des États-Unis grâce au Québec. Ben, nous, on ne dit pas Canada, on dit Québec. Non, mais j'ai dit le Grand Canada. Oui, le Grand Canada, oui. Je veux dire, le continent canadien, grâce au Québec, il est différent de... Sa différence, c'est grâce au Québec, c'est nous. Par rapport aux États-Unis. Effectivement. C'est mon sentiment. Eh ben, c'est... Connaissant bien le... Il est très juste. Les États-Unis, au-dessus. Oui. Où vous faites 2 mois de concert par année. Et est-ce que vous... Vous arrivez sur scène avec la même fougue ou si on se lasse, s'il y a des soirs où ça vous inspire moins? Non, parce qu'il faut avouer que les États-Unis, où je n'irai pas m'installer parce qu'il y a un système de vie qui ne m'attire pas particulièrement, non. Mais je dois reconnaître que, d'abord sur le plan professionnel, il m'accueille bien et ça marche bien et j'en suis très heureux, mais qu'il y a... Outre cela, une qualité chez les Américains, c'est de spontanéité et le public. Moi, j'ai un public, j'ai un peu tout. J'ai un public d'étudiants, jeunes, de high school même, et qui fonctionne, qui marche super bien mes chansons. Et puis, j'ai un public un peu plus âgé. Il y a des concerts le soir et des concerts dans la journée. Okay. Et les concerts du soir sont souvent avec des gens un petit peu plus âgés. Mais dans les deux cas de figure, il y a un gros enthousiasme de leur part. Bon, en contrepartie, une chose qui m'a un peu déçu, maintenant je suis habitué, j'y pense plus, mais les premières tournées que je faisais aux États-Unis, ça marchait tellement fort que je me disais, je vais casser la baraque, demain je vais être le roi du pétrole dans ce pays. En fait, j'avais sous-estimé leur faculté d'oubli. Oui. Ils te prennent, ils te jettent. Ben, ils ont tellement d'artistes. Et chaque année, il faut refaire. Oui. Donc, ceci est un peu la réponse à votre question, c'est-à-dire que l'année suivante, ce sont des nouveaux, ce n'est pas les mêmes. Ce sont des nouveaux, il faut refaire chaque fois, mais au bout de... Ça fait des années que je tourne aux États-Unis. Et vous avez un public. J'ai un public, ouais. Et j'ai un public, des gens qui se déplacent. Je vais raconter une anecdote. J'étais en Caroline du Nord, pas loin de la ville de James Taylor, de Chapel Hill, où j'ai chanté dans plusieurs villes de Caroline du Nord. Et là, il y a une dame qui, à la fin de mon concert, vient... vers moi, je dédicaçais mes disques et je la vois avec... Elle avait acheté la totale. Elle avait... Il devait y avoir 5 de mes CD et elle avait les 5 CD qu'elle venait me faire signer. Et puis elle avait dans l'autre... elle avait aussi un album. Un album que j'ai enregistré en 1983. Et alors... elle était avec sa maman et elle me montre l'album que je lui avais signé à l'époque. En 83. Presque en 83. Alors elle m'a d'ailleurs... Et la maman qui dit, fais-lui re-signer l'album une deuxième fois en tant que les autres. Avant et alors, après. Et alors l'anecdote aussi, c'est que cette femme, donc une fan depuis 83, venait de faire un déplacement de 2 heures de voiture pour venir au concert. Et c'est pas exceptionnel. Ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui font le déplacement de... Bon, c'est vrai que les distances là-bas sont... On les parcourt plus facilement peut-être que comme chez nous. Comme chez nous, ouais. Mais moi, ça m'étonne et ça me séduit et ça me fait plaisir de voir que ça se passe de plus en plus. Et je remplis des salles, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des salles de plusieurs milliers de personnes, mais j'ai quand même des salles de 500, 600, 700 places. C'est quand même pas mal. C'est très, très bon. Puis, alors, ça prouve que vous n'avez pas encore tout fréquenté les États-Unis, vous n'avez pas encore joué à des endroits un peu plus reculés, donc si, peut-être mais, que... Enfin, bon, il y a plein d'endroits où je ne suis pas allé, bien évidemment, mais j'ai quand même chanté dans tous les États américains, sauf Hawaï et Alaska. Pourquoi? Parce que Mme Palin ne m'a pas invité en Alaska. Ok, mais ça vient de pas, non? Non, non. Ok, vous ne travaillez pas là-dessus? Avez-vous un non, mais c'est ma plaisanterie, comme okay, je l'ai dit. Parce que Sarah Palin n'a pas voulu de moi. Non, mais bien sûr que je serais très heureux d'aller en Alaska. Cependant, il y a là aussi un phénomène économique tout simple. Hein. C'est que des États-Unis, le billet d'avion pour aller en Alaska, il est aussi cher que de Paris à peut-être plus cher. Donc pour l'organisateur, je ne sais pas si c'est la raison, mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Hawaï, Alaska, je n'y suis pas allé, mais si on m'y invite, s'il y a un organisateur qui m'entend, là, moi je veux bien aller à Hawaï. Alors nous sommes prêts, nous irons vous faire avec le micro, nous serons sur place avec vous. Mais dites-moi, à quel endroit vous avez fait un concert qui était singulier, c'est-à-dire que voyons qu'est-ce qui se passe, c'était presque de la science-fiction. Il y a eu quelques endroits, mais le dernier en date, enfin, science-fiction, je sais pas si c'est étrange, qui vous semble étrange. Enfin, j'ai envie plutôt de répondre qui m'a transporté. Oui, vous a marqué. C'était le dernier concert que j'ai fait en Haïti. J'ai beaucoup chanté en Haïti. J'ai écrit cette chanson Haïti qu'un défaut, sur laquelle on a tourné un clip. Ça aussi, c'était mémorable, 15 jours de tournage. Dans 15 jours pour un clip? Pour le clip. Ouais, c'était un beau clip. Ah non, mais aviez du budget. Vous pouvez le voir. Oui, il y avait du budget. Ouais. Ouais. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Haïti Kimbefo. Oui, c'est ok, mais c'est. Ça s'appelle Haïti Kimbefo. Deux semaines, c'est. Deux semaines, oui, ça a été deux semaines. Mais vous verrez, vous comprendrez en voyant le clip. Oui, c'était bien. Et ce clip m'a permis, il y a un certain nombre d'années, hein, mais il est passé pendant 2 ou 3 ans, presque tous les jours à la télévision. Ça, c'est une voiture avec... voilà. Non, mais il n'y a aucun problème, les micros... C'est l'ambiance, c'est super. Non, oublie le son qui est trop... C'est super. Ouais. Non, mais, voilà, on a les illustrations de Paris. Ben oui, 11e arrondissement, c'est ça. Voilà. Mais le fait que le clip passe tous les jours à la télé... Encore aujourd'hui? Assez souvent. Plus tous les jours, okay. mais ça a été... Bon, je me souviens être revenu en Haïti après ces diffusions quotidiennes, et on me connaissait en Haïti déjà... Mais je ne parle pas de la dernière fois, il y a une dizaine d'années peut-être. Oui. Tout le monde me reconnaissait, tout le monde, dans la rue, c'est clair, quand on te voit sur un clip. Donc, ce clip a étendu ma popularité dans l'île. C'est drôle parce que la diaspora haïtienne me rejoint aussi à New York. J'ai rempli plusieurs fois le Brooklyn College avec là 2800 places et non, avec 99% d'Haïtiens. Il y a une communauté haïtienne extrêmement forte à New York comme à Miami. Et c'est différent. Ça n'a pas été par la même voie. Je me suis fait connaître de la diaspora haïtienne et des Haïtiens d'Haïti. Mais alors je reviens à l'événement fort. Donc je retourne en Haïti il y a 2 ans, un mois avant le tremblement de terre. J'étais en tournée américaine et à une période, enfin un mois et demi avant, c'était la période de Thanksgiving. Mm-hmm. Et donc je vais pour 8 jours faire 2 concerts en Haïti, un à Port-au-Prince et un à Jacmel. Et à Jacmel, j'avais 5000 personnes, place Toussaint l'Ouverture, qui reprenaient en chœur mes chansons. Et ça a été un concert émouvant à chialer. À tout point de vue. C'était super, quoi. Ouais. Alors, ça prouve que le public vous adore, le public vous suit, le public vous connaît. C'est le but, hein, quand on chante une chanson, on a envie qu'elle soit partagée, qu'elle soit reçue, qu'elle soit chantée. Étonnant, c'est que vous êtes un artisan, c'est-à-dire que vous faites un circuit singulier, vous tenez loin de la grande popularité que l'on peut connaître et reconnaître, et vous faites votre vie oui, de chanteur, de créateur. Ça, c'est un fait. J'ai pas construit ça comme ça. Hein. Ça, c'est... Ça s'est fait tout seul. Oh, oui. Bon, ceci dit, le vent nous pousse un peu, peut-être là où... Selon, je sais pas, mais ça s'est passé comme ça, effectivement. J'ai toujours eu envie de traverser les rivières, d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et je suis parti très vite après 2,45 tours enregistrés et des premières parties d'artistes comme Gilbert Bécaud et autres en France. J'ai un jour décidé Gilbert de... Gilbert Bécaud avait une maison comme vous Il avait un bateau. Mais tout près de vous? Non, mais c'était pas une maison sur pilotis, c'était vraiment une péniche. Comme vous? Comme moi. Moi, c'est une péniche qui bouge. On prend le bateau, on va... Non. Gilbert, il était à Boulogne. OK. Moi je suis à la Bastille, okay. dans le port de l'Arsenal. Alors, vous avez un point commun, monsieur Bécaud. Oui. Alors, voilà. Vous avez fait sa première partie. Ah, j'ai fait une... Oui, et ça, c'est un grand souvenir. C'est ça, c'est dans les années 60. C'est fin des années 60. Okay. Fin des années 60. Et, où il était vraiment à son plus... Tout à fait. C'est le premier nom qui m'est venu, parce que c'est le plus grand souvenir. J'ai bien sûr fait les premières parties de Claude François, de Johnny Hallyday... Mais c'était pas votre style non plus, là. Tandis que Gilbert Bécaud et vous, il y avait quand même l'osmose... Oui, et puis, enfin, bon, vous savez, à l'époque, c'était l'habitude qu'on a perdu d'avoir un artiste vedette en deuxième partie. Mmh. Et puis, il y avait toute une première partie construite avec ce qu'on appelait le lever de rideau, qui chantait deux chansons, oui. un artiste visuel, mmh. ensuite la vedette anglaise, chanteur qui faisait 4-5 chansons, encore un visuel ou un comique. Ensuite, on avait en vedette américaine un chanteur un petit peu qui avait commencé à faire ses preuves par quelques disques qui avaient marché un peu en radio, l'entracte, et puis on avait la deuxième partie. Et les styles étaient, on avait, il y avait un mélange de styles. On ne prenait pas en première partie d'Hallyday, systématiquement, des gens qui chantaient comme Hallyday. Donc, non, mais si le nom de Bécaud m'est venu en premier, c'est que c'est vrai, ça a été pour moi un modèle, c'était un type sur scène extraordinaire. Une bête, extraordinaire. Moi, bon, le type qui m'a marqué le plus et que j'ai eu la chance de voir, j'étais pas encore à Paris à l'époque, c'est Jacques Brel. Ah. Brel, c'est pour moi quelque chose de presque inimaginable, à mon sens, si on ne l'a pas vu sur scène. Malgré toute la qualité des émissions de télévision, notamment celle qui a été tournée à l'Olympia lors de son dernier concert, malgré toute cette qualité-là, on ne peut pas imaginer. Est-ce que dégageait ce type quand on l'avait en face de soi. Oui. Grâce à cela, je peux imaginer ce que j'ai perdu en ne connaissant pas Edith Piaf. Okay. Par rapport à ce que Georges m'a raconté de Piaf, je crois qu'elle avait un peu cette même force. Mais Juliette Gréco? Oui, je l'ai vu il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 2 ans. Je ne sais pas, j'adore le talent de Gréco, et tout, mais je ne sais pas si c'est la même force que Piaf pouvait avoir. C'est sans doute, oui. De force, oui. De défonce totale. Elle dénonçait, donc la dénonciation dans sa façon de chanter. Elle s'investissait complètement, quoi, c'était elle. C'est vrai. Et Brel, enfin bon, encore une fois, je ne l'ai pas vu Piaf, mais je fais un parallèle, je pense que c'était... Mais Brel, c'était ça, quoi. Bécaud, c'était... Si on fait une échelle de valeur, ça m'a peut-être un peu moins... Parce que Brel, je vais faire une parenthèse, Brel, ça a été le seul chanteur. J'avais 16 ans à l'époque, je l'ai vu sur scène. On peut raconter plein de choses. Allez-y. Je vais partir sur... On va revenir sur Bécaud après. Mais l'histoire de Brel, elle est amusante peut-être. J'avais gagné ce qu'on appelait un radio crochet, ce qu'on connaissait au Québec, le concours de chansons. Oui. On n'emploie plus ça en France, mais c'est un mot qu'on employait quand on... Je ne sais plus si ça existe. Non, ça n'existe plus. Donc voilà, il y avait un concours, on était sur scène, le public applaudissait, voté. Avec l'applaudimètre. Voilà, j'avais gagné ce radio crochet qui me récompensait. C'était un radio crochet organisé avec radio ou la télévision à Rennes, je ne sais plus. Okay. Mais la récompense, c'était de passer avec Jacques Brel à Quiberon. Il y avait une salle à Quiberon, qui était le casino de Quiberon, d'ailleurs, où Jacques Brel passait chaque année. Et donc la récompense pour moi, c'était de passer avec Jacques Brel. Et c'est au cours de sa tournée d'adieu, dans ce casino de Quiberon. Et quand je suis arrivé là, le casino était bourré à craquer. Un petit lieu hein, qui peut faire 300. Oui. 300 ou 350 places. Oui. Bourré à craquer. Le directeur me dit tu vas passer après, parce que là, c'est Jacques Brel, le public. Et je, il m'a assis au premier rang, à même le sol. Et là, j'ai vu Brel arriver qui a chanté J'étais bien plus heureux avant quand j'étais cheval, portier madame, etc. Et là, j'ai pris dans la gueule. Dans la gueule. Vraiment, c'est, ouais. Et ce que j'ai amorcé tout à l'heure, c'est que, à l'issue de son tour de chant, j'ai eu une déprime. Une déprime en me disant, mais je n'ai rien à faire dans ce métier, ce mec-là, il a pris toute la place. Il a tout dit, il a tout fait. L'impression qu'il y avait plus de place. Quoi. C'était l'homme rendu aux années. Ah, mais, là, j'essaie d'expliquer, mais tu n'expliques rien. Non, déprime, il faut être physique, là. Voilà, c'était déprime, et à la fois, j'avais eu un cadeau. Un coup de poing. Je joue toujours encore maintenant. Le casino se vide, il y avait un orchestre qui prenait la relève pour faire danser les... Il reste peut-être une cinquantaine de personnes. Il se passe une demi-heure, je suis sûr on a des primes. Il se passe une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, je ne sais plus. Et le directeur du casino vient me dire, maintenant, il faut y aller. Et j'étais bien sûr les bras... j'avais pas du tout envie de chanter. J'y vais. Je monte sur scène pour chanter mes trois chansons. Brel, avec toute son équipe, musiciens, Jojo, le secrétaire, ils étaient sur une attablés sur la gauche de la scène, devant la scène, là, à boire des coups. Et, oui, il était connu. Non, je n'ai pas dit, mais bon, il buvait un coup après le concert. Oui, il était très connu. Et je commence à chanter. Oh, traqué, pas la pêche, parce que... Il était là. Oui, et puis... Par rapport à ce que je venais de... Je commence à chanter, au milieu de ma chanson, je le vois qui se lève et qui traverse la salle. Alors moi, dans ma tête, tout en chantant ma chanson, la déprime se multiplie par deux, je me dis, il n'aime pas ce que je fais, il s'en va. Et donc j'étais encore plus... Et je finis mes deux autres chansons dans un... Vraiment... Un malaise incroyable. Je rentre dans la loge et là, cinq minutes après, le directeur vient me voir, il me dit bravo. Il dit Jacques Brel a beaucoup aimé ce que tu as fait. Je dis mais Jacques Brel il est parti. Il dit non, pas du tout. Il est monté au balcon pour mieux t'écouter. Et il avait traversé la salle pour monter au balcon. Alors là, j'étais encore là parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mes moyens. Exactement. Et donc il m'invitait à aller à sa table boire un coup avec eux et il m'a complimenté, il m'a dit les choses, voilà. Mais c'était un événement fort. Et vous étiez quand même un fan devant le monument qui était Jacques Brel. Oui, plus que ça, parce que oui, ça, c'est... Moi, je n'ai jamais été impressionné comme je l'ai été ce jour-là par un chanteur sur scène, comme je l'ai été par Jacques Brel, jamais. Bon, voilà, l'anecdote est fermée, je vais en parler. Beko, c'était pas la même chose, il ne m'a pas donné envie d'arrêter d'accrocher ma voix au porte-manteau et de refermer le placard. Beko, ça a été le contraire. Okay. Il m'a, d'abord, quand je faisais ses premières parties, il était extrêmement proche de nous, de moi, mais des autres jeunes chanteurs, des artistes qui étaient là, d'une façon extraordinaire. Il arrivait, contrairement à d'autres, lui, il arrivait tôt dans l'après-midi, il suivait les répétitions de chacun, il nous encadrait. Pardon, je me souviens toujours de ce premier gala, comme on disait à l'époque, on appelait ça des galas, ouais, chez nous, des concerts. Ouais, des galas, on appelait ça des galas. Ouais. Le premier gala, c'était à l'île Jourdain, qui est une ville dans le sud, près de Saint-Giron. Et là, je démarrais le spectacle, et je me souviens de cette main qui s'est posée sur mon épaule, alors que j'étais derrière le rideau, qu'il y avait le présentateur qui m'annonçait. C'était Beko, qui m'a poussé. Et à l'issue, pas à l'issue du concert, quand on s'est retrouvés tous ensemble au resto après, pareil, il portait... Bon, ça, c'est le côté chaleureux du bonhomme. Mais en plus, donc, sur scène, ça a été une leçon formidable, quoi, de quelqu'un qui avait un contact avec le public, qui faisait participer son public, qui avait une communion avec un public qui me semblait formidable et que...

15 secondes à la radio, j'ai dit c'est lui, voilà. Je reconnais c'est ça. Sa façon d'improviser. Il y a la facture, vraiment. Il est extraordinaire. Ouais. Et bah voilà, on s'approche des gens, on a des affinités, et puis et bah, on se rassemble musicalement. Et ça s'est passé comme ça, toujours. Moi, ça a toujours été... Mais on se rend compte aussi qu'une fois qu'ils ont travaillé avec vous, ils veulent encore travailler avec vous. Ils se greffent à vous. Oui, là, je crois qu'on était tous... Je reviens au dernier album, on était tous effectivement pas autosatisfaits, mais on était contents, heureux de ce qu'on avait pondu. Ouais, ouais, ouais. Vous avez commencé le violon très jeune. Oui. Très jeune, j'avais 7 ans, 6 ben, ans c'est et jeune, demi. C'est jeune, c'est 7 oui, ans. Oui, c'est limite pour moi. Il faut, enfin, c'est pour bien. Être un virtuose, c'est ça? Il me semble que le violon, c'est bon... Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je crois qu'il faut le commencer jeune. Il y a des, mais le piano, c'est probablement la même chose. Il y a oui, des, oui. Moi, j'ai pris le piano très tard, bien plus tard, et, puisque ça a été violon, ça a été banjo mandoline. Banjo mandoline? Oui, okay. C'est le seul banjo que je pouvais tenir dans mes petites mains. Parce que j'avais, et puis, comme on me trouvait talenteux, on m'a dit, j'avais un oncle qui avait un violon, on m'a dirigé sur des études classiques, c'était plus sérieux. Ah ouais, bah. Plus sérieux que, et donc, j'ai fait du violon, et puis là, j'ai mordu la belle dent dans le violon, j'ai adoré tout de suite. Avez-vous fait le conservatoire? Non, parce qu'en province, on n'avait pas, moi j'étais donc oui. À Laval, on n'avait pas de conservatoire. On très bien. Donc on avait des. Mais j'avais un prof qui était un producteur de conservatoire, il y avait des gens très très sérieux qui m'ont donné les bons plis. Et voilà. Et donc je crois qu'il faut commencer très jeune, c'est presque physique pour oui. avoir ce. Vous en jouez plus de violon? Alors, j'ai abandonné le violon à plusieurs reprises pendant des années, je l'ai repris, je l'ai réabandonné. Et c'est pas moi qui en joue sur mes disques, mais enfin là, c'est moi qui écris l'équateur à cordes, et puis je les joue pour faire mes maquettes. Je continue, je peux. Vous je vous peux. Fois, oui, je me prends les brandebourgeois, je les joue et ça m'amuse. Ouais. Et si j'avais un peu plus de temps, j'en jouerais encore plus souvent. Vous faites combien de concerts par année? 200? 200? Oh non, pas tout ça, non, non. Vous avez ralenti un peu. Les États-Unis, il y a une. Non, non, je fais une. En tout, je fais peut-être 100 concerts par an. Même okay. pas. Non, même pas. Même pas. Aux États-Unis, parce je fais à chaque fois une trentaine de concerts. Vous préférez profiter de la non, vie. Mais il y a plein d'autres choses. Enfin, que je parle, je veux dire concerts, mais je fais quand même plein d'autres choses. Enfin, okay. Oui, oui. Mais bien sûr, préparer un album, c'est beaucoup de travail, hein. Oui, l'album, c'est... Oui, c'est du travail. C'est on ne peut pas ouais. faire un concert lorsqu'on fait un album. Non, non, c'est non. un album ou un concert. Oui, tout à fait. Ouais. Et celui-là, est-ce que vous l'avez déjà lancé ou si c'est... Vous êtes au début de alors la là, tournée? on est au début de la promo de l'album. Ah, la promo, mais... La promo. Mais... L'album, en fait, on le trouve. Il est en ligne. Il y a une boîte que tous oui. les indépendants connaissent, qui est CD Baby à Portland, qui distribue très très bien dans le monde entier, et qui, moi, gère mes distributions de disques, mes téléchargements et tout, depuis des années, ils le font très très bien. Ça, c'est un point, donc le disque est disponible. Mais, physiquement, sur la France, physiquement, le disque, il ne sortira qu'en septembre, que le 20 septembre. Ok. Il est disponible en MP3. Non, il est même disponible. On peut, non, non, physiquement, en fait, on peut le commander par CD Baby en ligne. Okay, okay. Mais il ne. Le lancement officiel. Le lancement chez les disquaires, okay. ou ce qu'il en reste, parce ouais, que là, ouais, ça, ouais, ça, ben, même la Fnac ne veut même plus vendre de disques. Ça disparaît, et là, ouais. ça aussi, ça, c'est les. Ah, ouais, mais Internet, Amazon.fr. Ah, ben alors là, moi, ouais. ça, on trouve mon disque. Ça, c'est CD Baby qui me gère tout ça. Okay, parfait. Mais on peut les trouver directement sur Amazon, partout. Oh, ouais, ouais. Et on peut les télécharger sur iTunes, oh, sur ouais, Napster, absolument. On y a toutes les pièces, on peut même commander celles que l'on préfère. Il voilà. y a tout, ça c'est pas de problème. Mais on le mettra quand même en place chez les disquaires, ouais, et puis dans les Virgin, les Fnac et autres. Et ça, ça sera au mois de septembre. Mais je vous écoutais sur des réseaux, des radios françaises, puis on sent que vous, ce qui est moderne, vous l'avez bien amalgamé. Vous vous sentez à l'aise avec la modernité. Ah, vous n'êtes pas archaïque, vous n'êtes pas dépassé par ça. Bah, qu'est-ce qu'on respire, là? L'air ben, de jour, oui, l'air d'aujourd'hui. Là, c'est là. Non, non, mais c'est vrai que j'ai le sentiment de ne pas être... Bon, déconnecté. De pas être déconnecté par rapport à ce que je ressens.

Et donc, quand il est entré à la closerie, il a vu cette jeune femme toute seule attablée, il l'a regardée, elle a tourné le regard. Alors, il s'est précipité vers elle. Vous savez qu'Alfred Jarry, il avait toujours un revolver sur lui. Alors, il a sorti son revolver, il a tiré dans le miroir derrière la dame, et il a dit « Maintenant que la glace est brisée, causons oh, !» Bon. Voilà, au sens figuré, au sens propre. Voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire ma chanson Alfred. Mais le rapport à l'absinthe, oui. c'est aussi Alfred. C'est ce qui m'a probablement dicté la réponse que je viens de vous faire sur le liquide. Jarry disait, l'absinthe, ce liquide pur, c'est pas ça. Il disait, l'eau, ce détergent dont on se sert pour les lessives et autres tâches ménagères qui mêlait à un liquide pur, l'absinthe, le trouble. Oh, excellent. Et vous, c'est l'absinthe. Alors, je n'ai jamais... Si, j'ai bu... On m'a fait goûter, puisqu'aujourd'hui l'absinthe a été interdite pendant longtemps. Aujourd'hui, pourquoi, on ressort... pourquoi oh, parce que c'était un alcool qui probablement rendait fou comme on l'a dit. Je crois que Verlaine et les autres, enfin, ils ont raccourci leur vie en buvant de l'absinthe. Et, mais c'est combien de degrés de l'absinthe? Je vais dire une bêtise, j'en sais rien. Mais je crois que c'était très fort cette histoire-là. Alors que ils ont ressorti de l'absinthe. Qu'on trouve dans les... Ok, oui. Et cette absinthe-là est beaucoup plus légère, apparemment. Mais ça ne m'a pas séduit. J'ai goûté ça une fois. Ça ne m'a pas vraiment séduit. Donc ma réponse, elle était simplement liée à Alfred Jarry. Ça, c'est bon. Mais sinon, votre liquide, hormis l'absinthe, là, ah, mais le liquide, véritable. Le véritable liquide, je ne prends jamais... je prends rarement un repas sans un bon verre de vin rouge. Lequel? Alors moi j'aime bien les vins de Loire. Okay. Encore une fois, la proximité peut-être à ma région natale. Ça donne la mais banane. J'aime bien les Saumur Champigny, j'aime bien les Saint-Nicolas de Bourgueil. Oh. Mais il n'y a pas trop de frontières là. Il y a beaucoup. Il y a l'état de Bordeaux que j'aime bien. Mais j'aime à chaque bien. Pays que vous visitez, on vous fait boire. Le vin rouge n'est plus la propriété de la France depuis longtemps. Hein. Non. Ben, il y a le Chili, il y a l'Afrique. Les États-Unis, il y a des vins californiens qui sont mais qui vous, sont très bons. Dans chaque pays, on vous fait boire de... Ah on oui. Vous fait boire, c'est une manière de parler, mais on veut vous faire goûter. Oui, moi, je suis... Êtes-vous ouvert à tout? Je suis ouvert à tout et j'aime beaucoup de choses. Simplement, je les prends avec modération. Oui. Parce que je suis assez... Je suis assez sensible, il ne me faut pas beaucoup de verre okay, pour... commencer à pleurer et repartir. Là, le seul... le vin est peut-être la seule chose que je prends. Alors, je prends aussi avec une certaine modération, mais... Mais ça coule de source. Un repas sans vin, c'est... Oui, un repas gâché. C'est un peu... Oui. Si vous étiez une ville... Si j'étais une ville... Ah, quelle question formidable! Ah oui, c'est... Il faut répondre comme ça. Aussi, réfléchis-y. Prenez le moment d'y réfléchir. Si j'étais une ville... Ben, si j'étais une ville, ce serait peut-être Rio. Rio? Oui. Pour le côté festif ou pour le côté... Pour le côté festif, pour le... la vie qui s'y dégage, même... s'en dégage, même si... Encore aujourd'hui? Même si elle est extrêmement violente, parfois, une cohabitation d'une violence, et puis la beauté de la ville. Êtes-vous allé pendant le carnaval? Je ne suis jamais allé pendant le carnaval, non. Okay. Et c'est ça doit, calme, hein? Ça doit être quelque chose, le carnaval. Oui. Mais la ville, avec ce Corcovado et tout... Elle est magnifique. Le site de Rio, c'est prodigieux. Ouais. Si vous étiez une ville... regarde. Si j'étais une ville... Oui. Eh ben, je serais Rio. Toujours Rio. C'est une ville. Ah oui, effectivement, c'est une ville. Oh, excusez-moi, si vous étiez une langue... Je suis revenu à la main. Si vous étiez une langue... Une langue. Oui. Et je vous dirais ce que M. Dreyfus a dit. Oui, bah lui, il a dit une langue de cochon. Oui. Eh bien évidemment, je le connais, Jean-Claude. Connu, hein, on se connaît bien. Non, mais on était voisins avec Jean-Claude. Oui, était sur un bateau et dans le port, on était voisins. Oui. Et donc, on se connaît bien. Si j'étais une langue. J'ai une idée qui m'est venue tout de suite, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Donc, l'idée première, c'était une langue de chat. Et je me demande pourquoi j'ai dit ça. Une langue parlée. Une langue parlée. Oui, lui, il faisait une blague avec sa langue de cochon, mais une langue. Envoyé au charbon. Elle disait une langue. Oui, une langue parlée. Oh, oui. Oui, tout à fait. Une langue parlée. Si j'étais une langue, j'ai pas envie de dire le français. Ça fait ouais. Vraiment parce que c'est la première. Okay. Je ne regrette pas du tout okay. De okay, vous voulez trouver quelque chose de plus exotique. D'avoir cette langue que ben, mais en fait, allez, je vais dire l'indonésien. L'indonésien. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous parlez un peu l'indonésien? Oui, oui. L'indonésien, oui, oui. Vous l'avez appris là-bas? Je l'ai appris là-bas, oui. Alors, vous faites des chansons? Peut-être parce que ça m'a permis de communiquer avec un pays que j'aime beaucoup, l'Indonésie. Ah oui, c'est... Écoutez, c'est... J'ai envie de est-ce dire que c'est une, des pays parce que c'est un pays, en fait. C'est, oui. C'est un énorme pays, l'Indonésie. C'est un pays qui est grand comme l'Europe. Et, est-ce que c'est une langue chantée ou une langue de froide, dure, comme l'allemand peut l'être? Non, c'est très doux et ça a même des consonances latines. Oh. Mais il faut savoir que, c'est peut-être pour ça que c'est la réponse, je vais l'ancrer là-dedans, dans l'indonésien, parce que c'est presque un espéranto, l'indonésien, parce que quand on disait parler javanais, ça voulait dire parler un dialecte. Mm-hmm. À Java, on parlait, ouais. Et dans toute l'Indonésie, on parlait plein de langues, et on avait du mal à se comprendre. Et c'est Soekarno, je ne dis pas de bêtises, hein, parce que je fais souvent la confusion entre Suharto et Soekarno, c'est Soekarno le premier, qui lui, je crois, ils ont instauré une langue qui s'est calquée sur le malaisien, le malaisien, qu'on parle en Malaisie, donc, oh, oui, oui. Pour réunir, qui a ses racines dans ces langues anciennes. Mais ils ont réussi à unifier, sur un plan linguistique, toute l'Indonésie avec cet indonésien. Okay. Qui est une langue facile à mal parler, assez facile à mal parler, ou facile à apprendre pour pouvoir nous permettre une communication. Quand on pousse un petit peu plus loin, ce que j'ai fait, je ne dis pas que je le parle bien, loin de là, mais on se rend compte de beaucoup de subtilité, et donc c'est une langue que j'aime bien. Allez-vous écrire éventuellement en indonésien? Alors, quand tout à l'heure je disais que j'hésitais à dire oui. Le français, c'est que moi je baragouine un certain nombre de langues, mais je ne me sens capable d'écrire qu'en français. Okay. Je me demande comment font les gens pour écrire dans une autre langue que leur langue de naissance. Baragouiner une langue et saisir la poésie de la langue au point d'écrire, moi je sais que je ne me sens pas capable d'écrire. J'ai fait des tentatives en anglais par exemple, je me suis rendu compte, on m'a fait comprendre que c'était pas de grande qualité. Et donc je me lancerai pas dans un exercice d'écriture dans une autre langue. Mais l'indonésien, donc ce qui m'intéresse, c'est, bon, ça m'a permis de communiquer avec ce peuple indonésien, que ce soit à Sumatra, à Java, à Bali, dans différentes îles à Bornéo. Dans différentes îles d'Indonésie, mais ça m'a permis de communiquer, mais c'est aussi, ça a permis aux Indonésiens d'avoir une identité forte. Si on prend, si on fait la comparaison avec les Philippines, ils ont pris la langue d'une ethnie philippine, Tagalog, mais qui ne représentait pas la majorité des Philippins. Qu'est-ce qui s'est passé? La langue officielle, c'est le Tagalog. C'est toujours Tagalog. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aux Philippines, alors, on ne voulait pas parler l'espagnol ni le japonais, c'était l'occupant. On s'est mis sur l'anglais. Mmh. Et, ah ouais. Et ça, ils ont un peu perdu toute leur... Alors qu'en Indonésie, Il y a quelques mois, quand j'ai débarqué en Indonésie, fallait parler l'indonésien en fait. Fallait parler l'indonésien pour communiquer. Ouais. On parlait pas l'anglais. Et ils se sont mis à l'anglais, mais ils sont. Faut, si on vit en Indonésie, il faut parler indonésien. Ah oui, c'est normal. Et ça, c'est formidable. Ça crée une unité, ça renforce l'identité indonésienne. Et on est reconnu. Si vous étiez une époque. Si j'étais une époque, eh ben, je serais l'époque que je viens de. Enfin, que je viens, je continue à être dedans. Mais je n'ai pas de nostalgie pour une époque passée. Et j'ai un sentiment fort d'avoir moi je suis très heureux de toute mon enfance, de la toute cette période. On a découvert, on a marché sur la lune, on a découvert plein de choses, on a vécu plein de choses. Ouais. J'ai vraiment le sentiment, et aujourd'hui je me retrouve, et j'espère, je vais me mettre des beignes, que je suis trop pessimiste, j'espère que je me gourre, mais je suis un peu inquiet pour l'avenir, quoi, et pour les gosses à qui on va laisser un héritage. Si c'était à refaire, je referais la même époque. Moi, je manque peut-être de curiosité là, mais ouais. Si vous étiez un mot. Un mot, amour, tout simple. L'amour mène le monde. L'amour, c'est ça. Ouais, l'amour, c'est l'amour qui peut sauver le monde. Là, c'est le côté épicurien. De M. Vincent, si vous étiez un aliment. Un aliment? Oh là, je savais, la banane revient. Un aliment, le pain. Le pain, oh. Ouais. Le vin et le pain, merveilleux. Oui, hein? Mais c'est pour ça. En fait, je le dis comme ça, parce que c'est bien évidemment que le pain sec ne me conviendrait pas. Ouais. J'ai beaucoup de mal, hein. J'ai une épouse qui me reproche de manger trop de pain. Mais ça paraît pas. Hein? Le meilleur des. Me mais c'est pour cette raison-là, bien évidemment, qu'elle me reproche de manger trop de pain. Mais moi, le meilleur des plats perd une partie de ses qualités de saveur si ce n'est pas accompagné par un bon pain. Et c'est vrai qu'un jour, on m'a donné une explication, il y a longtemps de cela, mais qui m'a séduit. Pourquoi le pain et le vin ont-ils été choisis? L'explication qu'on m'a donnée, c'est que c'était les deux seuls aliments et boissons qui rassemblent le travail, le grand travail de la nature et de l'homme. Une pomme, on la prend dans l'arbre, on la mange. L'eau, on la prend. Le vin, c'est une transformation, ça part d'un travail de la terre, du soleil, de tous les éléments. Le raisin mûrit, comme le blé pour le pain. Ouais. On peut faire les mêmes parallèles. Transformation en plus par l'homme, par la main de l'homme. Et on arrive à ces deux choses, le pain et le vin. Et on ne retrouve pas ça dans un autre. C'est vrai. Et ce sont des choses complètes, quoi, puisque le vin nous donne nos belles couleurs. Oui, et le rouge. Et le pain, voilà, donc, est complet, nous permet de vivre. Vous êtes allé au Québec, avez-vous déjà mangé de la poutine? Non. OK. J'en ai peut-être mangé, mais alors expliquez-moi. OK, c'est frites, OK, des frites, ouais. Du fromage égrené et une sauce brune. Ah non. Non, OK, alors lorsque vous reviendrez, là, ah, poutine. Oui, en plus, c'est typiquement québécois, poutine. Je vais goûter ça. C'est né au Québec. Si vous étiez une saison? Le printemps. Le printemps? Oui. Pour le renouveau? Pour le renouveau. Le printemps de la vie? Le printemps, oui, le printemps. Ouais, bon, ouais, ouais. Si vous étiez un membre corporel? La main. L'écriture, la guitare? Voilà, c'est ça. La fraternité, voilà. La poignée de main? Exactement. Si vous étiez un moment de la journée? Là, on est bien, là. On est bien à Paris, dans le 11e. Oui. Mais vous, c'est plutôt... Oui, j'aurais peut-être pu dire l'aube, mais en fait, je me lève trop tard pour, ouais. pour alors, c'est exceptionnel de vous voir sur alors, la midi. C'est exceptionnel. Non, midi, c'est bon. Okay, bon okay. Je me lève quand même un peu plus tôt. Mais vous êtes un couche-tard. Mais je suis un couche-tard et j'aime bien le couchant. J'aime bien, j'aime bien avec un bon verre de vin. Avec un bon verre de vin, oui. Ouais. Ou un ouzo, si je regarde le soleil se coucher sur une île grecque, des Cyclades. Ouais. ce que j'ai fait souvent. Ah, c'est sans doute merveilleux. Ou ailleurs, il y a plein de... Mais c'est vrai que j'ai vu un jour le soleil se coucher et la lune se lever sur le Grand Canyon. Voilà, c'est des souvenirs qui justifient peut-être ma réponse. Si vous étiez un autre individu? Je serais une femme. Pour vérifier plein de... Ah, mais ça, c'est une expérience que j'aimerais bien connaître. OK. Voilà. Et puis, elles ont tellement de pouvoir. Ah oui, la femme mène le monde, hein, c'est balzacien. Bien évidemment. La société balzacienne, donc sans femme, nous sommes rien. Monsieur Vincent, merci d'être passé à mon émission. Vous êtes un homme rempli de joie de vivre. Vous avez tellement de choses à raconter. Vous êtes un amoureux de la francophonie, un amoureux du monde, un amoureux de la planète. Ce qu'on souhaite, c'est de vous entendre à Québec, au Québec. Ben, j'espère, Rénald. J'espère. Oui, j'espère. Je m'en veux de venir chaque année tout près de Québec. J'ai des amis. J'ai un ami avec qui j'avais fait... beaucoup de choses, qui a fait une petite carrière en France il y a bien des années, et quand on parlait de nos débuts, c'est Florent, je ne sais pas si ça veut dire une chose, Florent Veilleux, qui aujourd'hui se donne aux objets de l'inutile, vous connaissez son œuvre. Oui. C'est merveilleux, hein? C'est un fou merveilleux, Florent. Heureusement qu'on retrouve ça. Mais il est génial, et puis j'ai d'autres amis, hein, plein d'amis au Québec. Robert Charlebois, entre autres. Je suis allé l'écouter avec Joe, mais on s'est salué, je ne le connais pas. Okay. Non, mais il y a Nathalie Choquette, la chanteuse. Oui, la chanteuse soprano. Voilà, sa petite Florence qui a grandi, qui est devenue quelqu'un de très connu. Voilà, qui est devenu quelqu'un de très connu. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, mais Florence, je l'ai connu. Je me souviens de son père, Hany Koryaty, qui était mon ami, que j'ai connu au Liban, dans mes premières tournées au Liban il y a longtemps. Et quand Hany, mon copain, disait « Florence, viens jouer un petit morceau de piano à Eric », elle était... je te salue, Florence, si tu m'entends, et je t'embrasse. Elle nous entend, voilà. Mais c'est merveilleux. Elle est rendue à son troisième album. Oui, mais elle fait des choses formidables. Oui, tout ça à fait. Ça amène le soleil, il y a mon cher monsieur. Oui, tout à fait. Mais elle a du talent, c'est superbe. Oui. Ben, merci d'être... Et donc, je les embrasse, Nathalie, Florence et tous mes amis québécois, puis ceux qui... Il y en a plein. Hein. Et des nouveaux qui viennent se joindre à vous. Voilà, et j'espère que je vais avoir l'occasion, grâce à Rénald, d'aller vous voir un de ces jours, et puis avec un concert à la clé. Ben, merci, mon ami. Salut, Éric Rénald. Vincent. On se retrouve sur votre maison, sur l'eau, l'année prochaine, peut-être. Mais j'espère. Okay. L'invitation tient toujours. Ben, merci, monsieur. Salut, Rénald. À la prochaine. Au revoir.